Radio de réfléchir aux grands défis qui sont les siens et à ses perspectives d'avenir. Je pense qu'on doit être en avance sur l'auditeur. Puisqu'on réfléchit à ça, à notre média, à la radio, on doit savoir avant les gens ce que ça va être la radio de demain. Au programme, conférences de personnalités d'ici et d'ailleurs, séances d'écoute, d'archives, de documentaires, de créations sonores et des invités de marque tels que Pierre Maisonneuve, Jean Dussault, Akli Haït Abdallah, Christophe Roux et Daniel Tulp. Informez-vous sur radioactif.weebly.com. La radio est amenée à se réinventer parce que le monde change. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Alors bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. C'est Bruno Côté avec vous ce soir. Tout d'abord à la console, la mise en onde, le choix musical et également donc Marc Chaunet à l'animation. Et on a un invité, un ami du rock progressif et un ami de Bruno aussi parce qu'ils font une émission ensemble profil. Il s'agit de Gérald. Ah oui, salut Gérald. Bonsoir Marc, ça va bien? Oui, et toi? Oui, très bien. Super. C'est le fun de se retrouver entre amateurs de progressif de même. Hein? Oui. Puis parler de musique. Je pense que ça fait, à peu près 2 ans, je suis pas venu ici, que je suis venu à un moment donné là, faire une émission avec toi justement, là, puis j'avais bien apprécié. Donc je te remercie de m'avoir invité pour l'émission ce soir. Parce que oui, c'est ça, ça fait plusieurs années là, que toi aussi t'es super impliqué dans, à faire à découvrir du rock progressif à des gens, puis t'organises avec l'émission Profil des spectacles à l'occasion. Tu nous parles d'un spectacle là, qui va avoir de rock progressif dans 2 semaines. Oui, ben c'est ça, c'est le vendredi 14 novembre. C'est un spectacle qui va avoir lieu à la Ninkasi du Faubourg, sur la rue Saint-Jean. C'est Carsius qui vient présenter un spectacle exclusif à Québec, parce que c'est ça de faire à peu près 6 ans que Carsius ne sont pas venus à Québec. Ils ont fait des tournées un peu partout, là, que ce soit en Amérique du Sud, en Europe, puis tout ça aux États-Unis. Mais à Québec, ça faisait 6 ans qu'ils n'étaient pas venus. Donc, à partir de là, quand ça fait déjà un an même, l'année passée, je leur en avais parlé, mais ça n'avait pas donné. On va dire pour les auditeurs, ceux qui ne savent pas, c'est un groupe de Montréal, Carsius, oui. Un groupe qui a été instrumental pendant plusieurs années. Puis, de leur dernier disque, là, il y a du chant dedans. C'est ça. Alors, c'est ça. Donc, ils viennent. Puis, il va y avoir en première partie le groupe de Québec, Edo. Edo, qui va être en première partie. Et donc, ça a lieu, comme je disais, le vendredi 14 novembre. C'est à quelle heure déjà? Les portes ouvrent à 18h30. La première partie débute à 19h15. Et Carsius, ça va être un spectacle de 1h30. Donc, c'est avec projection. Puis, ça va vraiment être quelque chose de très, très bien. Puis, à travers ça, c'est probablement le seul spectacle pour même 2015 pour Carsius, parce qu'ils sont en préparation pour un nouvel album. Ça fait quand même 3 ans maintenant. À peu près, oui. 2012, c'est ça. 2012. Oui, c'est ça, First Day 2012. Oui, 2 ans, oui. Non, quand même. 2 ou 3 ans, mais quand même, donc j'ai bien hâte d'entendre ça. C'est tellement rare qu'ils viennent nous rendre visite, là. Oui, effectivement, parce que c'est un groupe de Montréal, puis vois-tu, à Québec, comme je dis, ils viennent, on dirait qu'ils vont plus souvent jouer à l'extérieur qu'ils viennent ici, là. Et donc, c'est, en tout cas, très, très content de les avoir, et ça va être sûrement une belle soirée. Et si les billets sont, on vend au coût de 15 $, ça inclut une consommation. Puis il y a des prix de présence durant le spectacle. Une paire de billets pour le spectacle de Carl Palmer et une paire de billets pour le spectacle d'Adrienne Belou qui vont être tirés durant le spectacle. Ça, c'est une gracieuseté des productions GLC. Personne qui produit des spectacles comme Steve Hackett, Neil Morse et bien des groupes là, depuis un bout là, qu'on a ici. Ouais. Donc, c'est 2 paires de billets qu'on fait tirer durant le spectacle pour les gens qui vont être présents à ce spectacle-là. Ceux qui ne savent pas, c'est Carl Palmer le 30 novembre à l'Impérial, puis le 13 décembre, c'est Adrienne Belou Trio. C'est ça. Power Trio, oui. Ouais. Ben, puis en plus, tu nous as amené une pièce inédite de Carsius ce soir. Oui, une pièce inédite, c'est donc de Carsius qui s'appelle The Spade Between Us, qui a été sur une compile que j'ai... La compilation, l'univers progressif 3, là, ouais. Donc, qu'ils ont écrite spécialement pour la compilation. Donc, c'est une pièce que vous pouvez découvrir là-dessus. Et c'est avec l'instrument, le chanteur, et c'est vraiment, ils ont écrit ça, quand je leur en ai parlé, ils ont écrit ça durant le mois de juillet, puis au mois d'août, la pièce était rentrée, donc c'est une pièce exclusivement, puis j'imagine qu'ils vont la faire en spectacle. Ben oui. Peut-être qu'on va avoir aussi des nouvelles pièces là, durant le spectacle, ça j'ai pas eu de confirmation, là je le dis sous toute réserve, mais en tout cas, ils nous promettent d'une belle soirée, là. Bon, ben on écoute, ça vous tente d'écouter ça. Carsius, la pièce de Space Between Us. On va écouter la pièce, puis on revient après ça pour un petit mot, puis on va poursuivre avec plein d'autres musiques de notre chef Bruno. Mais on y va tout de suite avec Carsius, puis on vous revient. Yourself. Le groupe Carsius sur les ondes de CKRL, Terra Incognita. Et ça, c'est une exclusivité. C'est Gérald qui est avec nous, Gérald Haoué, qui nous présente cette pièce de Carsius, là, The Space Between Us. C'est une pièce qui, comme je dis, qui apparaît sur la compilation L'Univers Progressif 3, donc le troisième volet de cette compilation là, qui est faite depuis une couple d'années. Donc, il y a des groupes qui nous offrent des pièces. Et donc, Carsius, par la même occasion qu'on les avait pour le spectacle du 14 novembre, eux nous ont écrit une pièce inédite pour cette compilation-là. Alors, donc le 14 novembre, donc c'est dans 3 semaines, vendredi dans 3 semaines, à Québec, à la Ninkasi. C'est ça. Donc, les portes, quand je rouvre à 18h30, le spectacle débute à 19h15 et il y a Edo qui rouvre la première partie. Et eux, je dois avouer que je dois les remercier parce que c'est au début, c'était un ordre d'essai, donc pour un problème de travail. En tout cas, un des musiciens ne peut plus être là, donc Edo a accepté cette semaine de prendre la place, de prendre la première partie du spectacle. Et donc, ils vont jouer les autres 40 minutes et il va y avoir l'entraque où on va faire tirer la paire de billets pour les spectacles, là, une paire de billets pour Carl Palmer puis Adrian Belew. Et après ça, vers 20h15, Carsius va embarquer, il va être là jusqu'à à peu près 22h. Donc, 1h30 de spectacle, projection, tout ça. Donc, les billets sont en vente. Vous pouvez m'écrire si vous voulez avoir des infos à gawaycommercialvideotron.ca. C'est 15$, ça inclut une consommation, donc une belle soirée de musique progressive. Si vous Vous êtes sûrement maniaque parce que vous écoutez Terra Incognita. Sûrement. Hein? Il y a des chances aussi qu'on vous fasse jouer des petites pièces de Carsius parce que en fait, ils sont tous bons, les albums de Carsius. Oui, c'est ça. Parce que c'est juste le dernier album qui a eu le chanteur qui s'est rajouté. Mais les premiers albums, c'était entièrement instrumental. Oui, tout à fait. Ben, parlant de musique instrumentale, mais ils sont pas instrumentales, en fait. Eux, c'est, tu connais Entity, c'est un nouveau groupe de l'Italie. Et c'est leur premier disque, Il Fasso Centro. Ça vient de paraître. Puis, il y en avait une pièce, là, sur la compilation qui va avec le magazine Progressiste. Progressiste, oui, que j'ai entendu là-dessus. Mais l'album, je le connais pas au complet encore, là. Puis c'était un peu de leur coup de cœur, là, les indispensables. Dans les 10 disques coup de cœur, pour le dernier numéro. Donc, je me suis procuré l'album, puis il est vraiment bon. C'est super bon. C'est moderne, puis c'est un peu dans l'esprit, un esprit de rock progressif des années 70 en même temps. Mais un super bon chanteur. Donc, on va écouter une pièce intitulée L'Armatura. donc sur NTT. Puis merci Gérald d'être venu nous parler puis faire aussi entendre cette pièce de Carsius et en fait, on va se voir là, là-bas au spectacle. Ouais, là, nos auditeurs sont des auditeurs communs de profil. Donc, on va se voir tous, on espère, le 14 novembre à la Ninkasi pour le spectacle de Carsius puis Edo. Ben, merci d'être venu. Ben, merci de m'avoir invité. Ben, super. Alors, à la prochaine. Oui. Puis, on va sûrement passer une bonne soirée. À tous les amateurs de rock progressif. Merci. Bon, donc, on y va tout de suite en musique avec NTT. bisogno di sentire sonno e fermare la mia mente. Ma è franato il cielo e non c'è più una strada che riporti indietro. Ho un'anima sopita che è ben nascosta e attende. Io sono ciò che ora vedo, riflesso in fondo agli occhi tuoi. Perché negli altri cerco me stesso. Si dissolve e inevitabilmente mi trascina via. Io sono ciò che ora vedo, riflesso in fondo agli occhi tuoi. Non so più cosa sia. Le groupe italien Entity, c'est une nouveauté, Il Falso Centro, c'est leur premier album, c'était la pièce L'Armatura. Alors, mais comme vous avez pu le constater, celle-là, plus l'autre pièce là, que Jean-François fait jouer l'autre fois, ça vous donne un bon aperçu. C'est un excellent disque c'est au niveau du piano, des constructions, des voix, des claviers, en tout cas, tout est vraiment super bien fait sur ça. Alors, on y va en pub et au retour, c'est le choix musical de Bruno. Donc, on aura des groupes, que personne connaît, à peu près un groupe islandais, Eldberg, ensuite les Suédois, Nick Dutton et Bright Eye Bryson. On y va en pub et on vous revient en musique. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Chaque mardi et vendredi, CKRL vous propose des émissions variées axées sur le blues, le métal et plusieurs autres styles, tout comme les soirées du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, c'est des spéciaux sur les bières importées et des microbrasseries québécoises, les étonnants 5 à 7 sur les bières canadiennes et le vin, le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou, lebaldulezard.com. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Anjou blond, cannelle, muscade, girofle, gingembre, citrouille. Pour donner une touche spéciale à vos réunions entre amis, La Barberie vous propose la cuivrée à la citrouille. Cette bière épicée d'une grande favorite. Servie en fût, sa délicate saveur plaît à tous. La cuivrée à la citrouille disponible à La Barberie dès maintenant. Anjou blond, cannelle, muscade, girofle. Pour une troisième année, la Ligue québécoise d'impro BD prendra d'assaut la scène du Cercle pour présenter ses affrontements mensuels. L'impro BD, c'est un spectacle unique unissant jeu, dessin et musique où tout est mis en place pour tirer le maximum du talent et de l'imaginaire des joueurs. Prochain match, dimanche 26 octobre, 20h au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est. Entrée, 5$. La Ligue québécoise d'impro BD est une présentation du Festival de la BD francophone de Québec en collaboration avec CKRL. Le dimanche 26 octobre, ne manquez pas le Gala de la Disque, animé par Louis-José Houde sur les ondes d'ici Radio-Canada Télé. Voyez sur scène les prestations de Vincent Vallière, Alex Nevsky, Angèle Dubo, Lisa Leblanc, Half Moon Run, Corias, Patrice Michaud, Brigitte Boisjoli, Mister Valère, ainsi que celle des révélations de l'année. Et n'oubliez pas, vous avez jusqu'au dimanche 26 octobre 10h pour voter pour la chanson de l'année. Tous les détails sur adisque.com. Depuis 2008, la mesure Première Ovation aide les talents émergents de Québec en leur donnant les moyens de créer, de profiter d'encadrement et de vivre leurs premières expériences professionnelles. Couvrant 8 disciplines artistiques, les actions de Première Ovation contribuent également à une meilleure diffusion des créateurs et favorisent l'accès aux spectacles de la relève. Découvrez les programmes offerts sur premièreovation.com. De retour avec Bruno et Marc. Après ces quelques pauses publicitaires, on a un beau bloc de bon rock progressif qui s'en vient. Donc, un choix musical de Bruno. Ce soir, on débute avec Eldberg. C'est un groupe islandais. Il n'y a pas grand groupe rock progressif islandais. C'est un album unique, éponyme, réalisé en 2011. Et ce sera la pièce... c'est écrit en... Comprenez-vous. J'essaierai pas de vous la prononcer. En fait, je vais vous inviter à aller faire un tour sur la page de CKRL, d'aller voir les contenus musicaux là, qui sont publiés à chaque semaine. Alors, vous pouvez avoir accès au podcast et à la balado-diffusion et également aux contenus musicaux des émissions sur notre site. Et, c'est vraiment... Essayons pas. Donc, on poursuit avec Anecdoten, tiré de leur plus récent album. Ça fait quand même plusieurs années de ça. C'est leur avant-dernier, oui. Time of Day. Il me semble que c'est pas mal proche d'être leur dernier. Ce sera la pièce The Great Unknown. Et également le groupe suédois Bright Eye Bryson, tiré de l'album Believers and Deceivers, la pièce Pointless Living. On y va tout de suite avec donc Eldberg, Anecdoten et Bright Eye Bryson. betur voru lífi öll okkur og hann gerir okkur sljó. Hann gefst upp og gengur út á veg, hver stjórnar okkur þá? Tíminn sinkar sér, tíminn flýtir sér. ögat upp á gát En samt eins og himinn kvolfin snúist allt og frá Þú dag þennan tekur, telur þín í dag til fulls Síðan meitir tíminn þér frí til tveggja daga En tíminn líður sérðu lífið laupa framhjá augum þér Og þú finnur einn tilgang þín Æfin líður líkt og ræðist þar Að stað í tímans tönn Og aldrei snýrðu aftur við Klukka heims lær ráða sér hver dag Þarfir hvers og eins Sjáðu fortíð gleypa framtíðina Sem verður þá eitt tíð Því nú tíður eina skeiðið sem alltaf verður við Allt sem að liðið mun gleymt og grafið Tímans förnu leið Og kemur til með að hvíla Handan mistur smána Tíminn hverfur líf sem fallið tá bræðir lífsins skau Hverfur mun nú verða á sín Lítur klukkulagt mankinni Streyma fram úr sér En aldrei finnur það frí Leysi reyka sálur dauðans djúpi Hálsleðum freykir sér á svelli Og veru grjóti Fyrr en varir heimur tekur þig á brötu Á sporpun nýrra natt og liggur þar Í lausu lofti Tíminn ferðast á hraðar Um ókannaðan heim Drottin gefi okkur nýjan dag Ef dögum kemur upp við enda heims Dýrða ljóminn bak við krukna hljóminn Ómar fjara Thank you. mitt hlaup að framhjá augum þér og þú finnur ein tilgang þig Æmi líð, líð og hún hrænist það allt aldri tímans tör og aldri snýðu aftur við Tíminn hverfur, líð og fattir það Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Chaque mardi et vendredi, CKRL vous propose des émissions variées axées sur le blues, le métal et plusieurs autres styles, tout comme les soirées du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, c'est des spéciaux sur les bières importées et des microbrasseries québécoises, les étonnants 5 à 7 sur les bières canadiennes et le vin, le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou, lebaldulézard.com. Alors, madame, est-ce que ça faisait? Oui, mais je vais prendre juste le chemisier. Donc, le chemisier. En plus, je vous donne un jeans, une veste cintrée, la jupe, un cardigan, une écharpe en soie, les deux t-shirts, un col roulé, une ceinture, le pantalon et le petit top en lin super mignon. Ça va être tout? Attendez-vous à plus. Avec la carte boutique voir.ca, vous recevez jusqu'à 40% de plus chez vos marchands favoris. Passez-nous voir sur boutiquevoir.ca. La Foire du disque de Québec approche à grands pas. Cette année, plus de 45 exposants seront présents avec des milliers de disques vinyles à vendre. Rendez-vous le 8 novembre prochain de 10h à 16h au Centre récréatif Saint-Roch, 613 rue du Prince-Édouard. 2$ l'entrée. Informez-vous sur foiredudisquequebec.com. Et c'est ainsi qu'un soir d'il y a 45 ans est née la radio, en effet. Et depuis ce soir-là, un immense dialogue ne devait plus cesser de recouvrir la Terre. Un nouvel âge était né. Il y avait suffi de quelques pionniers. Vous écoutez CKRL. Et l'émission Terra Incognita. Et c'est Bruno Côté et Marc Chaune avec vous depuis 22 heures. Alors, on a eu de la bonne musique jusqu'à maintenant, mais ça va se poursuivre. Vous en avez ma parole. Alors, Bruno nous a présenté ce qu'il a joué en dernier, c'était Bright Eye Bryson, tiré de l'album Believers and Deceivers, la pièce Pointless Living. Il y avait eu Anecdoten, tiré de A Time of Day, qui était leur dernier album, réalisé en 2007, leur plus récent. The Great Unknown, c'était la pièce. Et on avait débuté avec Eldberg de l'Islande, tiré de leur album éponyme. Alors, prochain bloc, on y va aux Pays-Bas avec Sky Architect, tiré de leur premier album, l'excellent Excavations of the Mind, la pièce éponyme. On a également le groupe de l'Argentine Nexus, du plus récent album Air, et la pièce Esprehismo. Et ensuite Ego, de l'Italie, sur leur avant-dernier disque Evoluzione de Reforme, et c'est la pièce Meditatio Mortis. Alors on y va tout de suite avec cette exquise musique sur les ondes de CKRL, Sky Architect. Thank you. it's everything there is right now that matters most. Dig deep, stay low, dreams about this empty lake. It's everything you have right now. Stay silent, dig deep, look closer. It's you in this freezing air. It's everything you feel right now. Excavation of exit. spectaculaire présente Bêtes de scène. Pour une quatrième année, la troupe burlesque de Québec présente un spectacle à grand déploiement à l'Impérial de Québec. Le cirque, les Folies Bergères et Broadway se réunissent dans une soirée inusitée où plus de 30 artistes de Québec seront sur scène. Bêtes de scène. Un soir seulement, le samedi 15 novembre, à l'Impérial de Québec. Billets en vente via la billetterie de l'Impérial de Québec. Vous n'avez pas assez de temps pour vous et votre famille? Pensez à Gestigroup, un service de nettoyage résidentiel et commercial. Gestigroup vous offre des services d'entretien réguliers et de nettoyage spécialisés. Pour le nettoyage des fenêtres, les conduits de ventilation, le nettoyage après construction, le décapage, le cirage de vos planchers ou l'entretien ménager régulier, Gestigroup vous assure un travail de qualité optimale avec une assurance qualité garantie à 100%. Évaluation gratuite. Visa et Mastercard sont acceptés. 1-844-255-LAVE, 1-844-255-5283. Visitez notre site web pour les promotions en cours, www.gestigroup.com. CKRL. Terra Incognita de retour avec vous. Et bon, juste avant la pause, il y avait eu Ego de l'Italie. Hein. Le bloc s'était terminé avec un extrait de Evoluzione delle Forme. C'était la pièce Meditatio Mortis. Et il y avait eu Nexus, tiré de Air et Sky Architect. Alors, un excellent choix de Bruno, comme à l'habitude. Et on va terminer avec un groupe de la Turquie, Nemrud, leur second disque Ritual, paru cette année. Et c'est la pièce éponyme de ce disque qui, oui, on reconnaît les accents de la Turquie là, dans ça. Et il y a aussi un bon clin d'œil à Eloy. Alors, on y va avec cette excellente musique de Nemrud sur les ondes de CKRL à l'émission Terra Incognita. the sun of life. Messenger, the night, burning lights arise. People take their places. Sleep and dream again.

Sur la musique du groupe allemand Electric Orange, tiré de l'album Crowd Rock From Hell. C'est leur réalisé, c'est leur, ils ont fait 12 albums en carrière, donc depuis 20 ans, et celui-là est paru en 2010. C'était la pièce Shorg, et juste avant on avait eu Nimrud de la Turquie, tiré de plus récent album Ritual. Alors c'est Bruno Côté à la mise en onde et au choix musical qui était là avec vous ce soir, et Marc Chaunet à l'animation en cette édition du 25 octobre 2014 de l'émission Terra Incognita. C'est très planant, c'est le fun. On aime ça se laisser sur une belle musique comme ça. Alors, on laisse les ondes tout de suite pour l'émission L'Autoroute avec Stéphane Villeneuve qui vient juste d'arriver et qui sera avec vous pour une bonne partie de la nuit pour du bon rock progressif des années 60 et 70. Alors, on vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. C'était Bruno Côté et Marc Chaunet avec vous. On vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Dix bières bouteilles, huit bières en fût. Dix bières bouteilles, huit bières en fût. Un service casque et un Randall. La Barberie vous propose les bières et tapas, les bières fromage, les dimanches stout et les mardis apportez vos vinyles et encore plus. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, suivez-nous sur Facebook. C'est KRL 89.1. Yeah. Here we go again.